Today, 24th of February, year 2015, nearly 2 weeks. Retreat is going on. So, practicing make perfect. So slowly we develop our mind power, mind faculties. Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2015. Cela fait maintenant 2 semaines que nous pratiquons. La pratique va rendre le yogi parfait. Petit à petit, au fur et à mesure de son entraînement, il développe les facultés de l'esprit. La plupart des yogis ici présents ont très bien pratiqué. Ils ont expérimenté la réalité dans une certaine mesure. Ils doivent maintenant poursuivre leur entraînement et s'installer sur le chemin. Le chemin, la route à suivre, doit être très claire pour qu'un jour, nous puissions atteindre le but. Chaque jour, il y a une explication sur le Dhamma. Et ces explications qui leur sont données clarifient les doutes. J'espère que le chemin de Vipassana est devenu très clair pour vous. Hier, nous avons terminé notre étude des 5 facteurs qui allaient devoir être développés si nous voulons atteindre le but final. Ces 5 facteurs étaient la foi, sadha, la santé, la sincérité, l'effort héroïque et la sagesse. Nous avons parlé de la sagesse en détail hier. Nous avons parlé du niveau de compréhension que le méditant devait s'efforcer d'acquérir. En fait, la sagesse, c'est voir les apparitions et disparitions des phénomènes, voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si au cours de notre pratique, nous dirigeons notre attention vers cet aspect cessation des phénomènes, nous allons développer notre attention, nous allons développer notre compréhension de l'impermanence, et tout ceci va avoir pour conséquence que les facultés vont se renforcer. Il y a 5 facultés mentales, 5 forces qu'il faudra développer au cours de la pratique. La confiance, l'effort, la concentration, l'attention, la compréhension. Ces 5 facultés ou forces doivent être développées. Et pour y arriver, il faudra travailler de façon respectueuse, sans interruption, avec précision et en comprenant. Si nous travaillons de cette façon, nous pourrons facilement cheminer sur le chemin. Parfois, c'est donc pour que la compréhension soit correcte qu'il est nécessaire d'avoir un maître de méditation. Parfois, il est possible de travailler par soi-même sans professeur. Mais alors nous croyons savoir, en fait, mais nous ne savons pas. Et finalement, nous n'obtenons que très peu de résultats. Il y a dans les Écritures une histoire à ce sujet. Elle se passait du temps du Bouddha, et elle est très éloquente. Il y avait un homme qui avait un grand jardin. Cette histoire se passe en Inde. En été, il n'y a pas beaucoup d'eau. Cet homme s'adressa alors à un groupe de singes et il leur apprit à s'occuper du jardin. Parfois, les animaux sont plus honnêtes que les humains. L'homme dressa donc ce groupe de singes à s'occuper du jardin. Les singes étaient très honnêtes et écoutaient ce que disait le maître. Un jour, l'homme expliqua aux singes que s'il constate qu'il fait très sec, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils ne doivent pas donner beaucoup d'eau aux arbres et aux plantes qui ont de longues racines. Par contre, les arbres et les plantes qui ont des racines courtes, je me suis trompée. Si les arbres et les plantes ont des racines courtes, ils ne doivent pas leur donner beaucoup d'eau. Par contre, si les arbres et les racines ont des et les plantes ont des racines longues, ils doivent leur donner beaucoup d'eau. Les singes obéirent donc au maître et tinrent compte de ses instructions. Un jour, le maître dut se rendre pendant une semaine à une réunion chez le roi. Il demanda aux singes de prendre soin des plantes et des arbres en son absence. Les singes s'occupèrent donc du jardin, et comme le leur avait demandé le maître, comme il faisait très sec, ils se dirent qu'ils ne devaient pas donner beaucoup d'eau aux arbres qui avaient des racines courtes. Par contre, ils devaient en donner beaucoup aux arbres et aux plantes qui en avaient des longues. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs de la longueur des racines de ces plantes. Ils ne savaient pas, en fait, quels étaient les arbres qui avaient des racines longues et quels étaient les arbres qui avaient des racines courtes. Ils se réunirent donc et discutèrent de ce problème. Tous les singes furent d'accord pour déraciner les arbres et les plantes afin de pouvoir voir la longueur de leurs racines. Ils mesurèrent les racines et ensuite donnèrent aux plantes et aux arbres qui avaient des racines courtes un petit peu d'eau, et les arbres et les plantes qui avaient des racines longues, ils leur donnèrent beaucoup d'eau. Lorsque le maître revint de sa réunion, il dut hélas constater que son jardin était tout à fait abîmé. Tout ceci était dû au manque de compréhension des singes. Ils étaient honnêtes, ils obéissaient à leur maître, mais ils n'avaient pas la compréhension. La compréhension est donc très importante, sinon on n'obtiendra pas de résultat. Ici, au cours de cette retraite, j'ai commencé par vous donner des informations de base à propos de la pratique, des informations théoriques, dans le but de vous faciliter le travail. Vous vous êtes mis à pratiquer, et grâce à ces informations théoriques qui vous ont été données, vous avez pu voir clairement le chemin, pratiquer facilement, et un jour vous pourrez atteindre le but grâce à cette compréhension que vous détenez. La compréhension est donc très importante. Parfois, c'est donc pour que la compréhension soit correcte qu'il est nécessaire d'avoir un maître de méditation. Parfois, il est possible de travailler par soi-même sans professeur. Mais alors nous croyons savoir, en fait, mais nous ne savons pas. Et finalement, nous n'obtenons que très peu de résultats. Il y a dans les Écritures une histoire à ce sujet. Elle se passait du temps du Bouddha, et elle est très éloquente. Il y avait un homme qui avait un grand jardin. Cette histoire se passe en Inde. En été, il n'y a pas beaucoup d'eau. Cet homme s'adressa alors à un groupe de singes et il leur apprit à s'occuper du jardin. Parfois, les animaux sont plus honnêtes que les humains. L'homme dressa donc ce groupe de singes à s'occuper du jardin. Les singes étaient très honnêtes et écoutaient ce que disait le maître. Un jour, l'homme expliqua aux singes que s'il constate qu'il fait très sec, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils ne doivent pas donner beaucoup d'eau aux arbres et aux plantes qui ont de longues racines. Par contre, les arbres et les plantes qui ont des racines courtes, je me suis trompée. Si les arbres et les plantes ont des racines courtes, ils ne doivent pas leur donner beaucoup d'eau. Par contre, si les arbres et les racines ont des et les plantes ont des racines longues, ils doivent leur donner beaucoup d'eau. Les singes obéirent donc au maître et tinrent compte de ses instructions. Un jour, le maître dut se rendre pendant une semaine à une réunion chez le roi. Il demanda aux singes de prendre soin des plantes et des arbres en son absence. Les singes s'occupèrent donc du jardin et, comme le leur avait demandé le maître, comme il faisait très sec, ils se dirent qu'ils ne devaient pas donner beaucoup d'eau aux arbres qui avaient des racines courtes. Par contre, ils devaient en donner beaucoup aux arbres et aux plantes qui en avaient des longues. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs de la longueur des racines de ces plantes. Ils ne savaient pas en fait quels étaient les arbres qui avaient des racines longues et quels étaient les arbres qui avaient des racines courtes. Ils se réunirent donc et discutèrent de ce problème. Tous les singes furent d'accord pour déraciner les arbres et les plantes afin de pouvoir voir la longueur de leurs racines. Ils mesurèrent les racines et ensuite donnèrent aux plantes et aux arbres qui avaient des racines courtes un petit peu d'eau, et les arbres et les plantes qui avaient des racines longues, ils leur donnèrent beaucoup d'eau. Lorsque le maître revint de sa réunion, il dut hélas constater que son jardin était tout à fait abîmé. Tout ceci était dû au manque de compréhension des singes. Ils étaient honnêtes, ils obéissaient à leur maître, mais ils n'avaient pas la compréhension. La compréhension est donc très importante, sinon on n'obtiendra pas de résultat. Ici, au cours de cette retraite, j'ai commencé par vous donner des informations de base à propos de la pratique, des informations théoriques, dans le but de vous faciliter le travail. Vous vous êtes mis à pratiquer, et grâce à ces informations théoriques qui vous ont été données, vous avez pu voir clairement le chemin, pratiquer facilement, et un jour vous pourrez atteindre le but grâce à cette compréhension que vous détenez. La compréhension est donc très importante. Il faut savoir qu'il y a trois sortes de vérités. La première, c'est Samuti Satcha. Satcha veut dire vérité. La deuxième, c'est Paramata Satcha. Et la troisième, c'est Arya Satcha. La première vérité, Samuti Satcha, c'est donc une vérité qui s'appuie sur des concepts. Tout le monde dans l'univers est d'accord pour dire que ceci est ceci, que cela est cela. Tout le monde est d'accord sur ces concepts. Et c'est grâce à ces concepts que la communication est possible. Tout le monde est d'accord pour dire que telle forme c'est un homme, telle forme c'est une femme, qu'un corps à quatre pattes c'est un animal. Tout cela, ce sont des concepts. Et partout dans le monde, ces concepts permettent de la communication. Les gens adoptent tous cette vérité conventionnelle. Et ces concepts sont utilisés partout dans le monde. Par exemple, une personne qui a le crâne rasé, qui porte la robe safran, est reconnue comme étant un moine ou bien une nonne. C'est la vérité basée sur les concepts. C'est le nom que l'on donne aux choses, nom qui est accepté par tout le monde. Le temps également est un concept. Le temps se mesure en secondes, en minutes, en heures, en jours, en années, etc. Dans le passé, on comptait 13 heures par journée, alors qu'actuellement, on en compte 24. En réalité, le temps se base sur le processus de changement. C'est le processus de changement qui va permettre d'établir le temps. Parfois, on se réfère au soleil. Parfois, on se réfère à la lune. Mais que ce soit le soleil ou la lune qui sert de référence, il s'agit toujours du changement. Ici en Occident, on se réfère au soleil pour établir le calendrier. Et ce calendrier solaire compte 12 mois. Mais tous les 3 ou 4 ans, au mois de février, on ajoute un jour. Il y a 29 jours au lieu de 28. Il n'est pas fait référence à la Lune ici en Occident. Par contre, en Orient, le calendrier lunaire se réfère à la Lune. à la pleine lune et à la nouvelle lune. Mais la réalité, c'est le mouvement. Ici en Occident, un an compte donc 12 mois. Et on se réfère au soleil pour établir cette classification. En Orient, on se réfère à la lune, mais la lune, les nouvelles lunes et les pleines lunes vont plus vite que le soleil, que les mois qui se basent sur le soleil. Donc, tous les 2 ou 3 ans, en Orient, on ajoute un mois au calendrier. Il y a 13 mois au lieu de 12. Tout ceci, c'est donc la vérité qui s'appuie sur des concepts. Et dans le cas qui nous occupe ici, le concept du temps, en pali on dit kalapanyati. La vérité conventionnelle, c'est donc samuti satcha, la vérité qui s'appuie sur des concepts. Donc la deuxième sorte de vérité, c'est paramata satcha, la vérité ultime. La vérité conventionnelle, la vérité des concepts, peut être changée à souhait. Les noms peuvent être changés. Mais la vérité ultime, paramata satcha, se base, s'enracine dans la réalité. Et il n'est pas possible de changer cette vérité. Paramata satcha, la vérité ultime, est celle qu'on essaye d'observer lorsqu'on pratique vipassana. On essaye de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. On observe et on étudie l'esprit, on étudie les états mentaux, les sensations, les perceptions, on étudie le corps. La vérité ultime a ses propres caractéristiques, ses propres fonctions et ses propres causes. Elle ne peut pas être modifiée. Mais c'est une vérité qui est très difficile à réaliser et à comprendre. Il faudra, pour y arriver, que nous pratiquions la méditation. Sans la méditation, il n'est pas possible de comprendre la vérité ultime. Parce que cette vérité ultime, cette réalité ultime, est recouverte par les concepts. Elle se trouve à l'intérieur des concepts. La vie, en réalité, du point de vue de la réalité ultime, est l'interaction entre des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Mais lorsqu'on parle d'un être humain, d'un homme, où est-il cet homme? Est-il dans l'esprit? Est-il dans le corps? L'homme, c'est simplement un concept, un nom qu'on colle à ces phénomènes. Sans la vérité conventionnelle, il n'est pas possible de communiquer dans la vie. On ne peut communiquer qu'à travers les concepts. Mais il faudra cependant réussir à faire la différence entre ces deux réalités, la réalité ultime et la réalité conventionnelle. La réalité conventionnelle amène toutes sortes de problèmes dans la vie. La réalité ultime, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est immuable. Elle a ses propres caractéristiques. Par exemple, l'élément air a pour caractéristique le mouvement. L'élément feu a pour caractéristique la chaleur ou le froid. L'élément terre, la dureté ou la douceur. L'esprit a pour caractéristique d'expérimenter l'objet. Les sensations ont pour caractéristique de ressentir. Le méditant vipassana essaye de comprendre la réalité ultime. Il essaye d'observer les choses telles qu'elles sont réellement. S'il réussit à comprendre cette réalité ultime, il aura compris la vie et ce sera plus facile pour lui de vivre la vie de tous les jours, parce que les concepts amènent toutes sortes de problèmes. La réalité ultime ne change donc pas. C'est quelque chose qui a ses propres caractéristiques. Dans les Écritures, on reconnaît 4 sortes de réalité ultime. La première, c'est citta, la conscience. La deuxième, cetasika, les propriétés mentales. La troisième, rupa, les phénomènes physiques, et la quatrième, c'est Nibbana, c'est la réalité ultime qui est différente des concepts. Cette réalité ultime peut être expérimentée. Nous devrons donc réussir à comprendre ces deux types de réalité, la réalité conventionnelle et la réalité ultime. Vipassana consiste à observer la réalité ultime, mais il faut comprendre que sans les concepts, il est impossible d'arriver à la réalité ultime. Ces deux réalités devront donc être observées. C'est comme si nous voulions boire de l'eau. L'eau, c'est la réalité ultime. Pour la boire, nous devons utiliser une tasse. Cette tasse, c'est la réalité des concepts. Elle nous permet de boire l'eau. Nous utilisons donc la réalité des concepts pour arriver à la réalité ultime. En ce qui nous concerne, nous observons les mouvements de soulèvement, d'abaissement, nous observons l'abdomen. Tous ces mots font partie de la réalité des concepts. Ce ne sont que des mots. C'est comme la tasse qui permet de boire. Si nous observons cette réalité conventionnelle, nous allons pouvoir stabiliser notre esprit. Et tout naturellement, nous allons arriver à la réalité ultime. Nous observons alors le mouvement, c'est l'élément air, la réalité ultime. La caractéristique de l'élément air, c'est le mouvement. Il est donc très important de faire la différence entre ces deux réalités lorsqu'on pratique la méditation vipassana. Cela doit devenir très clair pour nous que ce sont deux réalités différentes. On dit parfois que la méditation vipassana ne s'occupe que de la réalité ultime. C'est vrai dans un certain sens, mais il faut savoir que sans les concepts, sans la réalité conventionnelle, ce ne sera pas facile d'arriver à la réalité ultime, tout comme la tasse qui permet de boire l'eau plus facilement. Essayons donc de comprendre ces deux réalités et de faire la différence entre les deux. La troisième sorte de vérité, c'est Arya Satya, la noble vérité. Nous verrons cette troisième vérité demain. Puissiez-vous tous réussir à faire clairement la différence entre ces deux réalités, vous libérer ainsi de la souffrance, atteindre la paix et la sagesse. Wish you all, may you all be able to clear of this conventional truth and ultimate truth in our own experience in our life. Then we can free from the suffering and easy peace, calm, tranquility, happiness, understanding level we can reach up. That is called wisdom. Sadhu. Sadhu. Sadhu.